Quand on parle du 7-8, tu baldaves. Canon de casse, si tu baves en garde à yo. Donc les poucaves finissent dans la cave. À parler au rat, sache que les Yvelines, c'est le royaume des braves. Oh, royaume du rat de Saint-Cyr au Bagdad. C'est que le premier couplet, mais tu sais déjà qu'on blague. Ah, yo. Dans le 7-8, c'est tôt que le bista rappe, que le visa grave. Pour mon secteur, faut que ce disque passe grave. Quand on parle du 7-8, tu baldaves. Car non casse, si tu baves en garde. Donc les poucaves finissent dans la cave. À parler au rat, sache que les Yvelines, c'est le royaume des braves. Oh. Royaume du rap de Saint-Cyr au Bagdad. C'est que le premier couplet, mais tu sais déjà qu'on blague. Ah, yo. Dans le 7-8, c'est tôt que le bista trappe, que le visa grave. Pour mon secteur, faut que ce disque passe grave. Ah. Chez nous, c'est hip-hop, musique ta grave. Chez nous, c'est les bacs, les buts et les coups d'agrave. Tourne en voiture color, c'est-à-dire bas de gamme. Tu retiens jamais produit drogué, on a toujours ta cam. 7-8, c'est dangereux car toujours le coin crame. Toujours on est les flics, donc y'a toujours plein de drames. Yo, et plein d'armes, crois-moi, c'est bien d'art. 7-8, trop longtemps dans l'ombre, je vais, je mets les pleins phares. Pour les frères Rochetard à Poissy ou Poitard. Si c'est le royaume de la nuit, car ici ça squatte tard. C'est loin de tout, c'est banlieue ouest, c'est barbare. Y'a des filles classes, mais aussi des tasses qui te mettent la bâtard. Et des tarots de barjo, oh, plus large que Fadjo. Oh, préviens tes gadjo, oh, on est bientôt à la radio. Oh, car c'est d'armes en frais, comme rarement fait. 7-8 département frère, plein le débarquement des salauds. Oh, bombardant eux meurent âge, de trap, j'commente la jolie. Chanteloup, les vignes, ça retrouve et ma sub, mec, c'est de la folie. Appelle ta police, 7-8-6, tous alcooliques, tous acolytes. Dans nos rues, si tu viens, tu trouveras bien plus qu'un prolique. Ah, produit de banlieue ouest, faut préciser, ouais, j'vais teaser. Cousin, viens miser, concrétiser, vers les pneus crisés. C'est street, pas de cheveux frisés. Bling, bling, sur le ghetto, j'mets la cerise. Mec, c'est les Yvelines. 78ème district, street, c'est les Yvelines. Numéro 1 du vice sur ce titre, c'est les Yvelines. Haut en bas, RER A, mec, c'est les Yvelines. Dans les embrouilles, les business panels, ouais, c'est les Yvelines. D'achère, alimène les mains, c'est les Yvelines. Oh, la mèche allumée, on fait mal, ouais, c'est les Yvelines. Oh, fais ça, quelque ça, qu'on braque, c'est les Yvelines. C'est les Yvelines. Sous ce track, c'est les Yvelines. KX ou 600, lyrique saisissant. Compète ou 400, tu repars en caletant. Du 78, normal car trop puissant. C'est nous, sur le devant de la scène. Toi là-bas derrière, nous. C'est sous Poissy, carrière, les murs aux noisies. La verrière, réunis pour un même but. Ce morceau doit cogner, donner. Ça doit être à talent au niveau, donc pas être gogné, sonné. L'alarme, LRM est lancée. Pour ma banlieue, mais j'en sais. Tout ceux de ce putain de coin du ghetto français. Tu connais déjà, peut-être entendu parler dessus. Donc ça parlait de sous, en plus ça parlait de chut. Donc ça parlait de nous. Les Yvelines noirs squattent la défense ou la gare Saint-Lazare. Saint-Terre-Terre parfait, donc si on est là, c'est pas un hasard. Et que Villicelle, Saint-Cloud, tous synchro. Donc si t'es sur un bon coup, on est cool, tape-moi synchro. De quel chrome tu me parles, de quel problème tu me parles. Y'en joue pas avec nous, c'est là que tout part. Et il nous reste encore des balles pour les chichimans. Il me reste encore des vibes pour que ce soit trop si mal. Ça passe si mal, d'ampleur si moitié mal. Qu'il y ait trop de décibels, que ça soit trop criminel au final. Et puis nous on touche à tout, c'est vrai. Y'a tout le pec, touche à tout, c'est vrai. Beaucoup de ragots sur cette embrouille, mais pas tout n'est vrai. Okay. Non, les embrouilles entre nous, c'est acheté d'ici. Alpi, quoi, Kato vient, soyez pas choqués si je vous ai dit ça. Non, de toute façon, c'est cool, cousin. C'est les Yvelines. Même département, même galère. Et très peu de gym clean. Ma fou à la prod et derrière les consoles. Les Yvelines, noix de bicrasse qui est à la mode. Et les dernières consoles. Plus des DVD divins, rappeurs et divas. Du R&B, tout ça représente mon coin. Prends le transilien et t'y vas. Et puis, à vernouiller, ça s'active pour le son actif. Un rappeur à chaque coin, rue 40 ans jusqu'à 5 piges. Je pars en croisade pour le 7-8 et j'en reviens entier. Avec Lully Mozart de Saint-Germain-en-Laye, on vient en tuer. Sur ce son illicite, illégal. Pour les squatteurs de Blade, de P2, de Vilici, de tous mes gars. Pour ceux qui font des instrus, ceux qui boxent les rimes, ceux qui tâtent les platines, ceux qui se tapent et boxent sur les rings. Pour les squatteurs de blocs et les gratteurs de clopes et les braqueurs de stock, les dragueurs en top. 78 Street, c'est les Yvelines. Numéro 1 du bis sur ce titre, c'est les Yvelines. De haut en bas, RER A, mais ouais, c'est les Yvelines. Dans les embrouilles, les business panels, c'est les Yvelines. D'achère, Alimel, les mains, les Yvelines. La mèche allumée, on fait mal, ouais, c'est les Yvelines. Tu fais ça, qu'exact, on braque, c'est les Yvelines. C'est pas, c'est les Yvelines. Sous ce track, c'est les Yvelines. Yo, yeah. Pour toutes les villes, pour les quartiers des Yvelines, boy. LRM 78, Jeep, Pitch et ma foi à la prod. C'est Black Hole, c'est Kunsa 2006.